Il n'y a personne à la terrasse du cercle. Le boulanger accablé vient s'asseoir et frappe sur le guéridon. Garçon ! Monsieur ? Vous direz ? Une bouteille de Pernod. Vous voulez dire un Pernod ? Une bouteille de Pernod. Une demi-bouteille, monsieur. Mais bon Dieu, je parle français ! Une bouteille de Pernod avec un arrosoir d'eau filtrée pour boire ! La petite rentre, inquiète. Dans le café, il y a toujours le groupe qui discute. Elle va vers eux. Il y a le boulanger à la terrasse. Il fait une drôle de tête. Il veut une bouteille de Pernod entière et un arrosoir d'eau. Un arrosoir ? Mais pour arroser quoi ? Ben, le Pernod. Ça y a tapé sur le cigare, il veut se saouler. Ça se défend. Ouais, mais il faudrait pas qu'il se tue. Eh, viens, Casimir, on va y parler. Alors, on va lui doser son Pernod, hein. Ils se lèvent tous et vont vers la terrasse. Oh, oh, boulanger ! Alors, pareil que tu as soif ? Une bouteille d'un litre ? Mais dis donc, tu vas pas de même morte ? Oh, c'est pas que j'ai soif, non, je me vois soif. Seulement avec tous ces événements, là. Tout à l'heure, j'ai rencontré le papé. Oui, il a vu le berger partir avec ma femme. Je sais bien qu'il est gâteux, le papé, mais enfin, tout de même, ça fait le troisième témoin. Alors, ça, on a beau avoir du bon sens, avoir de la confiance, ben, ça vous tape là-dedans. Pas vrai. Je me suis dit, je vais aller voir un coup, je serai plus gai. Il vaut mieux ça que de se noyer. Hein? Tu as raison, va boulanger, prends ta cuite, ça te soulagera. Après, on ira te coucher. Hein? Ah. À la vôtre. Il lève son verre, il le boit d'un trait. Ce matin, je suis allé deux fois à la messe. Alors, la deuxième fois, le prêtre, il a parlé de ma femme. Oui, et de la pécheresse, du vercondage, de la paix du Seigneur, et patin, et couffin. Enfin, il paraît que il trouve ça très bien, lui. Il dit que ça fera penser, enfin, ça donnera des leçons aux autres maris du village, que ça leur donnera à réfléchir. Ben, moi, à qui le malheur arrive, ça ne me fait pas réfléchir, au contraire. Ça m'empêche. À la vôtre. Le vieux Maillefer sort du café avec tout son attirail de pêche. Bonjour, boulanger. Ah, c'est-à-dire, Maillefer. Alors, boulanger, tu es cocu? C'est un mot rigolo, ça. C'est pour les riches. Moi, si ça m'arrivait, je ne serais pas cocu. Je serais malheureux. Tu comprends, c'est pas la même chose. Il boit encore un grand verre de Pernod. À la tienne, Maillefer.